You wouldn't pour water into a bucket that was full of holes. Cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment jouer 7 morceaux qui sont très simples, chacun composé de 3 accords et grâce auxquels vous allez pouvoir mettre l'ambiance en soirée. On commence par le célèbre morceau Bella Ciao. Moi pour le jouer je mets le capot en 4, évidemment vous le mettez là.